Vie économique, page 6. De nouveaux commerçants vous accueillent. Coxine L. Tissu. Installé dans la zone commerciale de la rue de la Petite Vitesse, ce magasin vous propose toute une gamme de tissus, de mercerie et de loisirs créatifs. Depuis le 1er septembre, Chloé Ouvrard et Charlotte Thibault, deux anciennes ouvrières polyvalentes de l'entreprise Longchamp, se sont associées dans ce projet. Elles proposent également, deux fois par semaine, des ateliers créatifs. 2 rue de la Petite Vitesse, 53200 Château-Gontier, téléphone 02 43 07 24 88. Facebook, Coxine L. Tissu. Une photo montre les deux jeunes femmes brunes, tout sourire, se tenant par la main. Boulangerie du Louvre. Monsieur et Madame Béchu le Marchand sont installés depuis 9 ans à Château-Gontier-Bazouges. Depuis le 1er août, leur magasin s'est déplacé route de Sablé. Composé de 9 salariés, l'équipe vous propose des produits de boulangerie et viennoiserie traditionnelle, de la pâtisserie ainsi que de la sandwicherie sous le concept français « Croustwich ». 9 route de Sablé, téléphone 02 43 07 13 52. Facebook, Boulangerie du Louvre. Photo des propriétaires entourés de leur équipe, dont 3 jeunes femmes en tablier gris, coiffées de chapeaux. Clip Clap. Installé depuis avril dans son nouveau magasin, Pascal Plessis exerce son activité de photographe depuis plus de 30 ans. Portrait d'art sur rendez-vous, reportage photo industriel, identité aux normes internationales, mariage, book fashion. Il propose aussi de l'édition de livres photos, faire part pour vos cérémonies, ainsi que le service Kodak Express. 18 place Paul Doumer, téléphone 02 43 70 29 79 et 06 08 66 07 48. Photo. Portrait de Monsieur Plessis, cheveux courts, yeux clairs, en polo noir. Atelier Nadège Couture. Nadège O'Haro a installé depuis juin dernier un second atelier de couture dans le Faubourg en complément de celui de la rue Razilly. Avec sa collaboratrice Angélique Madiot, elle propose sur les deux sites tous travaux de couture, de la retouche ainsi que de la confection de rideaux et de vêtements. Vous pouvez également prendre rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture. 77 rue du Lieutenant Morillon, téléphone 02 53 68 54 03. Facebook, Atelier Nadège Couture, Château-Gontier. La photo présente les deux couturières, l'une assise, l'autre debout, à côté d'une machine à coudre. Délicate Angel Toilettage et Boutique. Le 5 juin dernier, Valérie Pellerin, toiletteuse professionnelle depuis 1990, a implanté son salon de toilettage en centre-ville de Château-Gontier. Avec son employé Manon Lemeunier, elles mettent leur savoir-faire et leur expérience à votre service. Cette dernière assure l'accueil et les soins, épilation, coupe, tonte, bain de vos animaux et vous propose une large gamme d'accessoires canins et félins. 3 avenue de Razilly, téléphone 02 43 70 69 47. www.toilettage-château-gontier.com. www.delicateangel.fr. Facebook Delicate Angel Toilettage et Boutique. La photo montre Manon Lemeunier devant des étagères qui contiennent des articles canins.